téléphonie, babe. Yeah. Impossible pour moi d'oublier de faire comme les. Yeah. Téléphonie, babe. Yeah. Parce que là d'où l'on vient. Yeah. Yeah. La fouine un jour, tu vas percer. T'oublieras le goût de la misère, le goût du mafé. Tous ces gens pour qui tu auras compté, tu n'auras plus rien à leur raconter. T'oublieras le goût de toutes ces choses simples. On sera qu'un reflet dans le rétro de ton X5. Tu passeras le bonjour aux étoiles. T'oublieras qu'ici on trime, qu'ici on pédale. Tu feras le nécessaire pour briller. T'en oublieras même que ton père était ouvrier. Le soir dans ta loge tu vas pleurer, crier. Personne à tes côtés, t'en oublieras même de prier. T'oublieras les petits frères en découvrant les grosses sommes. T'oublieras les meufs bien, tu voudras des meufs bonnes. T'oublieras tous ces bons moments qu'on a passés. Ici on n'oublie pas le passé. Parce que l'on sait d'où l'on vient et que l'on attend chercher la lumière, le poing serré. Parce que l'on sait d'où l'on vient, et parce que l'on sait d'où l'on vient et que l'on attend chercher la lumière. Et comme je sais d'où je viens, je sais où je vais. Yeah. La fouine un jour tu vas percer. T'oublieras les gens, les halls qui nous ont bercés. T'oublieras les grecs que l'on partageait en quatre. T'oublieras la tôle, les fenêtres, les lancers de pâtes. T'oublieras les frères qui t'ont aidé dans ton gamos, les caisses que l'on t'a prêtées. Les gens avec qui tu rappais en indé. T'iras sniffer de la coke avec les gens blindés. Les VIP, les nouveaux délires. Ici on a que notre amitié à t'offrir. Nous au moins on t'aime pour ce que tu es. T'oublieras nos habitudes, nos rituels. Tu partiras et tu reviendras âme. Restera plus que tes tags au bâtiment 4. Restera plus que ton nom sur les murs du stepo. Ici on n'oublie pas les potos. Parce que l'on sait d'où l'on vient et que l'on attend chercher la lumière, le poing serré. Parce que l'on sait d'où l'on vient et parce que l'on sait d'où l'on vient et que l'on attend chercher la lumière. Et comme je sais d'où je viens, je sais où je vais. Yeah. Là c'est tu reviendras au terre-terre. Pépère, on t'accueillera tous les bras ouverts. On n'oublie jamais le chemin des tours. Ici on donne sans attendre en retour. Fouini baby, on connaît pas. Nous on connaît l'Aouné, Mohit, Casablanca. Frérot quoi qu'il en soit. T'es né dans la merde, pas dans la joie. Quoi qu'il en soit, on vit le passé. On n'oublie pas. Quoi qu'il en soit, on vit le passé. On n'oublie pas. Chercher, la lumière, le poing serré. On attend prier, ma parce que l'on sait d'où l'on vient. Parce que l'on sait d'où l'on vient. Et que l'on attend chercher la lumière. Et comme je sais d'où je viens, je sais où je vais. Parce que l'on sait d'où l'on vient. Et que l'on attend chercher la lumière, le poing serré. Parce que l'on sait d'où l'on vient. Parce que l'on sait d'où l'on vient. Et que l'on attend chercher la lumière. Et comme je sais d'où je viens, je sais où je vais. Momo Large, Ben Kenba, Darche, Petcho, Toumani, Haroun, Boubacar, la famille Megraoui, la famille Diara, El Kairi, Agili, Elio Lanti, Bourlaf, Kevin, Muse, Bang Bang, Awax, Amidou Ndjal, Ahmo, Aiker, Balin, Criminel, Polo, Scato, Futé, Clément, Dika, Mani, Zulu, Gorisik, Baki, Gok, Sofia, Serou, Dixon, Trap, tous ceux que j'oublie, ma petite gueule, tous les petits du square, GSP.